connexion. Viens, représente international à ma connexion. T'affonce des éclairs, ta clique va y passer. Je crois qu'on va se les doigts, tu sais, tu peux t'enfoncer. Claire, relâche ton gaz à coup de pression, lâche la pression. Viens, représente international à ma connexion. T'affonce des éclairs, ta clique va y passer. Je crois qu'on va se les doigts, tu sais, tu peux te l'enfoncer. Car on a ce qu'on gaz à coup de pression, lâche la pression. Les mafias représentent international à ma connexion. Tu kiffes mon son lorsque mon boss y rentre en action. S'empare du Maïka, branche la prise Jacka. Sur scène, moi j'ai la classe pour assurer comme un maca. Dopé au Shita, chuté au Pura. Alternative Alma pour vous en live, nique le Hala. Tout comme au cinéma, shoot un silence action, je tourne. Vite prise 1, vision pornographique. Al mafia dans la place et tout est le wapa. Excité, excité, envie de maté, matrica, mon truc, c'est la taille de mon slip que tu kiffes. Alors scoot et tire sur mon Spoutnik, très bonne qualité. Toujours bien servi en quantité assurée, bien qu'elle soit censurée. Alpha, Lima, Mike, Alpha, on part au combat. Marche la tête au-dessus, non, tu sautes ton mère moucha. C'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a? On cherche pas à savoir quoi, à voir quoi. Le monde se fend en braga. Lève dedans, on les récrit avec moi. J'suis ternouche, j'suis ternouche. J'prends l'instru, la scène et le micro d'assaut. J'représente ceux qui ont la haine depuis le perso. C'est Al Mafia, 59 j'ai fianso. Pour tous les frères qui traînent, qui courent après les euros. Vu que dans le nord c'est rude, c'est la 2. Merde c'est hardcore, petite pute. Si tu tombes sur ma galère, t'as pas baisse ton fuite, fuite, donne-moi ton derrière. Il paraît que tu sus, t'en as fait ta carrière. Indique c'est Bérou, surveille tes arrières. Ouais j'débarque comme une CBR sur la roue arrière. C'est pour les délinquants, les bordéleurs, les caillasseurs. Ceux qui foutent le boucan. T'affonce des éclairs, ta clique va y passer. Je crois qu'on va se les doigts, tu sais, tu peux te l'enfoncer. Claire, relâche ton gaz à coup de pression, lâche la pression. On revient, représente international à ma connexion. T'affonce des éclairs, ta clique va y passer. Je crois qu'on va se les doigts, tu sais, tu peux te l'enfoncer. J'ai les chiots, frérot, viens foutre ma merde comme il faut. Empoigne le mic, nique tout et baisse tous ces mythos. Je suis costaud et représente le groupe squatteux. Kick les mecs à chaque fois que viennent se la péteux. Tu vois, frangin, ici on kiffe pas les crétins, les MC pourris, et pose pas ton ski de putain, tu kiffes pas. Tant pis, reste simple et funky. Viens pas me la sucer lorsque je sortirai mon produit. Tu vois, gars, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Occupe-toi ton cul, ta clique, tout se passera bien, je viens ici. Je représente un mafiosi. Yo, yo, écoute ça. C'est pour les haters que je rentre en piste. Et j'en place une pour mes frères qui mènent une vie triste. Ouais, je tapisse. Notre seul passe-temps, c'est Bertucci. Donc ils sont écrits comme la peste par les fachos de le pénis. Nique le président et les ministres. Vu que c'est fils de pute, oublie mes frères. Qui traîne dans des coins sinistres, un des cas toi dealer. Vu que ça filme des toits, ouais vas-y dealer. Au commissariat, on parle panique. La brave, la stup et l'arcade. C'est pour les braves qui se taisent, chute. Même après des séries classes, c'est un strike sur la France. On vient la mettre en transe, niquer les balances. Au mic c'est des grenades qu'on balance. C'est pour ma délinquance, inflammable comme de l'essence. Que je prends le mic avec aisance et que je romance. Donc je commence par dire ce que je pense. Que j'aime pas ce pays, vu que j'y ai trop d'ennemis. J'ai la haine, ami, vu que ça devient ami. Ici les Valentino Rossi, pilote de compète, quand ça semble roussi. Faut visiter le quartier aux aspects, sur 2 ou 3 kilomètres. Leur font tourner la tête, vu que personne est honnête. On a tous les barrettes dans le survêt. Ouais, on a tous les barrettes dans le survêt. Gars, relâche ton gaz à coup de pression, lâche la pression. On revient, représente international à ma connexion. T'affonce des éclairs, ta clique va y passer. Je crois qu'on va se les doigts, tu sais, tu peux te l'enfoncer. Gars, relâche ton gaz à coup de pression, lâche la pression. On revient, représente international à ma connexion. T'affonce des éclairs, ta clique va y passer. Je crois qu'on va se les doigts, tu sais, tu peux te l'enfoncer. Wouh, you motherfucker now. Al Mafia, baby, original Arabic killer. You know say original bad boy check out come again say pass my love riches fait tourner la canja l'original des temps tout droit dans la se place afrique pass my love chin chin good thing in timilia l'original bad boy de l'alma pour nickel à l'âme pas de blanco original j'arrive toujours au solo avec mon négro le abbé pas des tubes d'abbé original bad boy are you ready for this you know say original abbé style Al Mafia baby 59 grammes 59 tonnes de TNT dans ta face. Man, écoute un peu les bad boys façon Al Mafia, man. Tu kiffes pas? Original Sarkozy. Check mon gros zizi. Combien de MC représente? Combien de MC se présente? présente. D'abord ma baby, je me présente. Albi Killer, bébé. Al Mafia, Fortasia Land, Mujahidka, guerrier de l'ombre. Trancheur de carotide, hein? C'est pour mes bad boys, c'est pour mes bad boys, c'est pour mes bad boys. Original, 59 grammes, 59 grammes. Al Mafia, Al Mafia. Strike sur la France, man. Strike sur la France, man.